m'arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Tu le vois, mon Dieu. Tout mon amour, tous mes devoirs sont là, dans la maison de mes ancêtres. Où me veux-tu? Où dois-je aller s'il faut partir? Oh, si un signe, au moins, m'était donné. Mon Dieu, secours-moi, parle-moi. Ne permets pas que je me perde dans ces ténèbres. Mon Seigneur et mon Dieu, arrache-moi à moi-même et donne-moi tout entier à toi seul. Amen.